Tu me livres bataille, ton cœur avec mon cœur et sans merci. Et connaissant mes faiblesses, mes failles, tu disposes de ma vie. Tu n'admets pas que quelqu'un te résiste, et tu ne sais pas que tu es l'être, je crois, le plus égoïste que je n'ai jamais connu. Mais c'est étrange, tout à coup tu changes pour ressembler à un ange. Et à cet instant-là, je me sens follement heureuse, blottie dans tes bras. Je ne suis pas de ces femmes tranquilles et qui restent au coin du feu lorsque leurs amours se perdent en ville, près du cœur et loin des yeux. Qui sans problème reste calme même, privé de celui qu'elles aiment. Je ne les comprends pas. Moi je suis follement inquiète quand tu n'es pas là. J'accepte tout, ma vie pour moi est ce que tu en fais. Les amours calmes, je l'avoue, m'ennuient. Avec moi, la guerre me plaît. Je t'aime, puis je t'aime, oui, je t'aime et je t'aime, puis je t'aime. Enfin, quoi qu'il en soit, je me sens follement heureuse, blottie dans tes bras. Dans tes bras.